Une fiancée nerveuse. Прослушайте текст. Как вы считаете, дочь правильно поняла совет матери? Christophe Brunat et Isabelle Lebrun se sont fiancés. Un dimanche, les Lebrun invitent la famille des Brunat à dîner. Madame Lebrun veut faire bonne impression. Elle a acheté beaucoup de provisions et a préparé beaucoup de plats délicieux. Elle appelle sa fille à la cuisine et lui montre comment mettre le couvert et servir le repas. « Pour servir les légumes, ma fille, dit la mère, ne les mélange pas. Mets les légumes sur des assiettes différentes. » « Oui, maman, répond Isabelle, sans vraiment comprendre ce que sa mère lui explique. Quand les Brunat arrivent, Madame Lebrun les accueille cordialement. « Soyez les bienvenus !»« Faites comme chez vous, ajoute Monsieur Lebrun. » Tous s'installent dans un grand salon et prennent l'apéritif. « À votre santé » disent-ils avant de le boire. Puis Madame Lebrun sert des escargots. « Isabelle, dit sa mère, apporte maintenant le rôti, les pommes de terre et les haricots verts. » La jeune fille va dans la cuisine, mais elle revient vite. « Maman, dit-elle à voix basse, je suis si nerveuse, aide-moi. » La mère s'excuse auprès de ses invités et va dans la cuisine voir ce qu'il y a. En y entrant, elle voit sur la table une douzaine d'assiettes et dans chacune une seule pomme de terre. La mère en est très surprise. « Regarde, maman, pour mettre les légumes sur différentes assiettes, il en faut une cinquantaine pour servir les haricots. »